geste de misère, il masque son visage de ses mains. Alors que la honte est pour nous, de tristesse ou de misère, il masque son visage de ses mains. Alors que la honte est pour nous. Toute misère, il masque son visage de ses mains, alors que la honte.